Chez Dolbo Auto, profitez des différents rabais de fin d'année. Le Colorado 2019 à partir de $84 par semaine, aucun acompte et un taux d'intérêt préférentiel de 1,9% pendant 60 mois. Ou encore, venez faire un essai du Silverado 1500 2019, $91 par semaine plus taxes, aucun acompte pendant 84 mois à 0,99% d'intérêt. Dolbo Auto, 1700 Boulevard Walberg, Dolbo Bistassini, 418-276-0580. Le personnel et la direction de Dolbo Auto vous invite à acheter local pour soutenir notre économie. C'est le commentaire de notre ami Phil Desgagnés. Salut Phil. Bonjour Danny. Phil, est-ce que tu as suivi la série mondiale de mémoire? J'ai jamais vu ça, moi, les quatre sports parce que je suis beaucoup les quatre sports, une équipe dans une série 4 de 7 pas capable de gagner un match à domicile. C'est vrai que le baseball, ça a moins d'importance un peu que le hockey ou certains autres sports, mais ça demeure quand même que tu as toujours le dernier coup de bâton. Ça aide également. Ouais. Au niveau de la stratégie, c'est vraiment important. Mais moi, je pense que la meilleure équipe a gagné, là, vraiment, parce que... La plus haute, peut-être. Ouais, mais on s'attendait à une série de lanceurs, et c'est pas le cas. Ça a été une série beaucoup plus de frappeurs. Donc, et moi, je pense que les Washington étaient mieux nantis que Houston là-dessus. Okay. Alors que c'est à l'inverse au niveau des lanceurs. On disait que Houston avait quand même de meilleurs lanceurs, mais ils n'ont pas performé à la hauteur de ce qu'ils ont fait durant la saison régulière. Et je pense que ça a été vraiment le point tournant de cette série-là. Effectivement. Phil, comment tu trouves ça? Parce que moi, le retour des expos avec une garde partagée, moi, je trouve ça farfelu. Je pensais pas qu'il était sérieux. Moi, je pense que l'association des joueurs va bloquer ça, là. Mais comment tu trouves ça? Ben, écoute, je lisais une statistique, 14 000 de moyenne de spectateurs en Floride. Ouais. Ça dit tout, là. Même si l'association des joueurs voudra se montrer sceptique et dire ça n'a pas d'allure. Mais écoute, 14 000 de moyenne, ça prouve une chose, c'est qu'il n'y a pas de place le baseball là. C'est très clair. Et je pense que c'est le début de la fin pour l'équipe de la Floride et ça se dirige vers Montréal. Le problème, c'est qu'on veut peut-être partager pour l'instant. D'abord, premièrement, le stade de Montréal, il n'est pas encore bâti. Là. Non. Tu sais, demain matin, là. Pas sûr que le baseball majeur va accepter de jouer la moitié de la saison au stade olympique. Là. Ouais. Je pense pas que c'est dans les plans nécessairement, là, mais ça demeure quand même une possibilité, mais pas nécessairement idéale. Mais ça demeure que là-bas, c'est très clair que le propriétaire, il veut changer de place. Là. Ouais. Il était clair, il était au dirigeant de la Floride parce qu'il y a un contrat et il doit le respecter pour l'instant. Et moi, je pense pas que la ville va accepter le fait de partager son club parce qu'ils ont un contrat en main. Mais j'ai l'impression que c'est le début de la fin, que Montréal va être dans les plans du baseball majeur dans les prochaines années. Ça, il n'y a aucun doute. Mais Phil, ce que je te dirais là-dessus, ce que je te répondrais, moi, je pensais que c'était une manière de se faire poli, de se faire tirer des hors. C'était un moyen de par la ville de Tampa, mais le gars semble sérieux, là. En tout cas, peu importe. Hey, Phil, je veux te parler du Canadien. Quel voyage! C'est vraiment surprenant, hein? Ben, écoutez, c'est une des équipes qui produit le plus en attaque, ce qui est surprenant de ce côté-là. On ne s'attendait pas à ce début de saison-là. Moi, je pense que même s'il y a des gens qui critiquent Carey Price parce qu'il donne certains buts, il demeure qu'avec la défensive qu'il a actuellement, il fait des miracles. Il garde son équipe dans le match et il fait les arrêter. Même le match d'hier, c'est vrai que l'adjoint n'a pas été très bon sur deux buts, et moi je pense deux des trois premiers buts, là. Mais sauf que quand c'est arrivé en troisième période, il a fait des arrêts tout à fait extraordinaires pour garder son club dans le match pour permettre à son club de revenir. C'est un peu ce que le Canadien fait, et moi je pense que c'est l'éthique de travail. Actuellement, le Canadien démontre que c'est une équipe qui est vaillante, qui se place dans des bonnes situations, qui travaille très fort, et la différence avec l'an passé, c'est l'avantage numérique. Ah ouais. L'année passée, on ne produisait pas l'avantage numérique. Cette année, elle produit, et ça, je pense que le gars qu'il faut remarquer, c'est Jonathan Drouin. Drouin, vraiment, actuellement, joue le hockey que tout le monde s'attendait quand on a fait la fameuse transaction avec Tampa Bay. Là, actuellement, il assume le rôle qu'on lui donnait d'être le gars qui va transporter l'équipe, qui va les aider en avantage numérique. Je te dis pas qu'il va remplir les buts, qu'il va faire des saisons de 100 points, c'est pas ça. Mais de Drouin, c'est le gars qui est excellent patineur, bon manieur de rondelle, et joue les deux sens de la patinoire. Et ça plaît énormément à Claude Julien parce que Claude Julien est un instructeur qui exige énormément de ses joueurs sur le plan défensif parce que la défensive du Canadien est une défensive plus qu'ordinaire. Tu sais, faut être honnête, quand tu regardes ça, ça, c'est pas extraordinaire, là. Mais moi, je pense qu'un des gars qui me déçoit le plus début de la saison, c'est chez Weber. Mm. Weber joue pas le hockey qu'on s'attend de lui. Oui, il ralentit. Hein, il ralentit. Oui, moi, je m'attendais à mieux. Ouais. Mais je regarde qu'il y a d'autres défenseurs. Exemple, Petrie joue du hockey tout à fait exceptionnel. Le jeune, il y a des jeunes défenseurs qui commencent également à pointer à l'horizon. Puis c'est tant mieux pour le Canadien. Puis les jeunes joueurs à qui on fait confiance, je regarde chez le Canadien, Domi puis ces gars-là, ils vont vraiment dans le sens que Claude Julien leur demande. Ça veut dire tu joues les deux côtés de la patinoire, m'a donné le temps de glace nécessaire. Ouais. Phil, il me reste un point que je veux te parler. Scotty Bowman, cette semaine, a mentionné que les athlètes des années 70 sont supérieurs aux athlètes des années 2010-2020. Je suis pas d'accord. On peut pas comparer. Là. C'est deux époques complètement différentes. Ben, je prépare un article actuellement qui est presque complété, que je vais parler dans le quotidien en disant le hockey a changé. Et à tous les niveaux, là. Ben au niveau des joueurs, au niveau des instructeurs, au niveau de la direction d'équipe, au niveau médical, le hockey est transformé depuis, je te dirais, 10, 15, 20 ans. Je vais juste te donner un exemple. Moi, j'ai arbitré pendant des années dans le junior majeur. On se préoccupait pas tant que ça de la sécurité des joueurs au niveau de certaines choses. Maintenant, la première chose qu'un arbitre fait en arrivant dans un amphithéâtre dans les juniors majeurs, c'est de rencontrer le médecin de l'équipe. De l'équipe qui doit se présenter aux officiels pour dire « il y a un médecin sur place, on peut commencer la rencontre ». S'il n'y a pas de médecin sur place, savais-tu qu'on ne commence pas le match? On ne débute pas une rencontre. Parce que le hockey a changé. Exemple, il y a 15 ans, il y a 20 ans, le coach parlait jamais aux agents. Mais non. Puis l'agent parlait pas au coach. Maintenant, Yannick Jean régulièrement parle avec les agents des joueurs parce qu'à 16 ans, pas 17 ans, ils ont déjà des agents de joueurs. Puis les agents de joueurs, quand ils sentent que le joueur va pas bien, quand ils sentent que son joueur prétend certaines situations, l'agent parle immédiatement à l'instructeur. Et avant, là, ça se faisait pas, ces choses-là. Les joueurs également, avant, t'avais un adjoint derrière le banc. Maintenant, t'en as trois. T'en as un à galerie. Les vidéos. Avant, t'avais pas ça. Tu sais, il y a toutes sortes d'événements qui font que le hockey a énormément changé. Les athlètes, maintenant, s'entraînent 12 mois par année. Dans le temps de Guy Lafleur puis tous ces gars-là. Ça travaillait l'été. Ils travaillaient 8 mois par année, puis les 4 autres mois, ils faisaient rien, là. Oui, mais ils travaillaient. Ils travaillaient souvent. Ils jouaient au golf ou ils prenaient de la bière, tu sais. Aujourd'hui, le gars, il prend 2 semaines de vacances, il se remet à l'entraînement, puis il repart. Tu sais, c'est vraiment une autre génération, puis une autre façon de faire, puis tant mieux. À mon avis, à moi, les athlètes d'aujourd'hui sont aussi bons, je te dirais peut-être pas meilleurs que les années 60 ou 70, mais ça demeure qu'ils s'entraînent de façon différente, ils mangent de façon différente, ils sont dirigés de façon différente. Donc, le hockey a changé, puis il faut s'adapter à cette nouvelle réalité. Moi, que Scotty Bowman puis Ken Dryden prétendent que les athlètes de leur temps étaient des meilleurs, faut pas les blâmer, ils ont vécu avec ces gens-là. Si Bowman, demain matin, reviendrait dans la Ligue nationale, puis se mettrait derrière le banc, puis rentrait dans la chambre des joueurs, c'est plus la même attitude. Non. C'est plus la même façon. Avant, le coach rentrait dans la chambre, les joueurs shakaient, fréquaient. Aujourd'hui, c'est plus vrai, là. Le coach, là, il rentre dans la chambre, puis c'est vraiment des crises à l'emporte-pièce, là. Ça se fait plus maintenant. Pourquoi? Parce que les joueurs veulent une approche qui est différente. C'est la même chose avec les enfants. Les familles aujourd'hui, le père de famille qui a des enfants aujourd'hui, il n'y a pas la même attitude avec les enfants que les parents d'il y a 30 ou 40 ans. C'est totalement différent. Donc, moi, que Bowman dise ça, ça ne me surprend pas. Est-ce qu'il a raison? Peut-être, mais il n'y a personne qui va pouvoir faire des comparaisons parce que c'est tellement le bonheur d'être sur la glace en même temps que les Lafleur, Bossy, Pat Lafontaine et les autres, Mario Lemieux. Aujourd'hui, écoute, t'as Lafrenière qui est dans les juniors majeures du Québec, t'as des grandes vedettes, t'as le jeune Lapierre à Chicoutimi. C'est différent. Pourquoi? Parce qu'à 17 ans, aujourd'hui, on les regarde aller parce que ils ont de la visibilité, puis ils ont toutes sortes de choses. Et deuxièmement, c'est que on les guide. Moi, je pense qu'on les guide mieux qu'il y a peut-être une vingtaine d'années. Phil, merci beaucoup. On s'en reparle la semaine prochaine. Commentaire de Phil Degagné.